Deuxième heure de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne, édition spéciale, édition le top 10 de 2018, les 10 meilleurs albums que j'ai reçus pour mes commentaires de disques. Mais juste avant, je tiens à remercier des gens très très spéciaux qui me permettent comme ça de rentrer chez vous à chaque semaine et de vous offrir l'excellente musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada, merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs, directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve Labrador, CKJM Chéticamp, WFM 98 Halifax, CIFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi Nouveau-Brunswick, CHUO la radio de l'Université d'Ottawa et CFRH la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. Il y a Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg Saskatchewan, CILS Victoria, Colombie-Britannique, CIVR, Yellowknife, Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Un beau bonjour et joyeuse fête à tous les auditeurs de tous ces coins de pays-là. Et bien entendu, commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Vous m'envoyez leurs coordonnées à canrockcdn@commercial.gmail.com. Allons-y, allons-en. Deuxième heure, comme ça, on est déjà rendu au numéro 4 de notre top 10. Et puis, c'est comme je vous disais, j'ai reçu pas mal d'albums instrumentaux cette année, assez surprenant. D'habitude, j'en reçois un ou deux par année. Là, on a reçu 3-4. Donc, on va y aller, si vous voulez bien, avec Sean Ferguson et son album Résilience. Très, très bon album. Un folk assez intéressant, mais surprenant. On l'écoute, voici Résilience, Sean Ferguson. Thank you. Comme je le vous disais, j'ai reçu pas mal d'albums instrumentaux cette année. Et pour la quatrième position de mon top 10, ben, en voici un autre album instrumental, celui de Sean Ferguson, qui récidive avec résilience, un oasis rempli d'intensité, d'évasion et aussi de contemplation. Un univers où la beauté et la force de la musique sont les maîtresses de l'espace-temps. Un album de guitare fort puissant qui en vaut l'écoute. Bon, Sean Ferguson m'a déjà dit qu'il faisait du folk. Oui, c'est folk, oui, c'est planant, c'est contemporain. Le tout est vraiment solide, là, qu'on pense au jeu de guitare, à la contrebasse, au violon. Le tout forme un son agréable. Donc, je vous donne une adresse, c'est agencewade.com/Sean-Ferguson, S-H-A-U-N. Ferguson, c'est F-E-R-G-U-S-O-N. On va y aller avec une autre pièce, la dernière pièce de l'album qui s'appelle Still Mine. Très intéressant, très captivant. Voici le compositeur acadien Sean Ferguson. Thank you. Ce n'est pas toujours facile quand la vie nous rend fébrile. Sous le poids des années, on a peine à nommer tout ce qui nous a changé. On n'a pas toujours le choix de voir au-delà de soi. Dans ce monde en colère où nos jours sont comptés, où ce n'est plus le temps d'hésiter, à quoi bon courir pour s'enfuir dans la détresse, chercher sa raison, chasser ce qui blesse. J'en fais la promesse, ouh, j'en fais la promesse, ouh. La vérité n'est jamais où l'on pense. Quand on se rapproche, elle nous devance. Avec tous ces mensonges et tout ce qu'on nous fait croire, oh, c'est à peine si on se reconnaît dans le miroir. Mais à quoi bon courir pour s'enfuir dans la détresse, chercher Bon an, mal an, on est rendu au top 3 des 10 meilleurs albums de 2018 et on vient d'entendre la pièce titre de la position numéro 3. Il s'agit de La Promesse de l'auteur-compositrice-interprète Christine Saint-Pierre. Et avec La Promesse, elle nous offre une belle réflexion sur la vie, l'amour, la mort, une parcelle de vie sur des émotions très bien peaufinées, des orchestrations intenses qui rendent justice aux émotions de chaque chanson. Donc, c'est vraiment très, très, très bien fait. Je vous donne une adresse, christinesaintpierre.com. Christine, c'est avec un K, K-R-I-S-T-I-N-E. Donc, christinesaintpierre.com. Allez découvrir ça. Sûrement disponible aussi à l'APCM, www.apcm.ca. Je vais vous envoyer deux autres belles chansons de cet album-là. Les femmes, dont un vidéoclip existe sur YouTube. Allez voir ça, c'est magnifique. Donc, on va entendre Les femmes. Et par la suite, une longue chanson, mais très, très belle. 35 000 mots. Christine Saint-Pierre. « déplacée, réfugiée. Elle peine à continuer, délaissée, oubliée par le monde entier. Toutes ces femmes au courage étranger, je vous prie de résister. Sort méconnaissable, égaré, effacé par la souffrance si palpable, compétent, travaillant devant l'impossible, survivant, combattant face à l'incompréhensible. Je n'ai que ma voix pour crier leur histoire, et je n'ai que mes mots pour raviver l'espoir. Toutes ces femmes, elles font partie de moi. Alors entendez-moi. Tu peux tout me La gorge asséchée d'avoir tant envie de crier sans un bruit. Tu as quitté les fleurs en s'est froissé devant ces mots à jamais ancrés. 35 000 mots dans le dictionnaire pour t'exprimer. Te parler, y a aucune raison de te retenir. Tu peux tout. Voilà, il nous reste deux albums à vous proposer, mais juste avant, j'aimerais faire un survol là, de qu'est-ce qu'on a entendu au cours de l'émission. En 10e position de mon top 10 des meilleurs albums de 2018, il y avait Gentian MG Trio avec Eternal Cycle. La 9e, c'était pour l'Acadien Tommy Bolger et son album éponyme. L'album « Nous » de l'auteur-compositeur-interprète Kiris se retrouvait en 8e. La 7e position revenait à Julie Kim avec « Portrait ». Et la 6e, c'était Annie Blanchard, « Welcome Soleil ». En 5e, un univers très européen, l'album « La rivière » de Loïg Morin. Et aussi en 4e, un album instrumental également, Sean Ferguson, « Résilience ». Et on vient d'entendre trois chansons du troisième meilleur disque que j'ai reçu au cours de l'année pour mes commentaires de disques, c'est-à-dire La Promesse. Il y avait aussi Les Femmes et 35 000 mots de Christine Saint-Pierre. Il reste deux albums à vous proposer qu'on fera après la pause. Juste vous dire comme ça que vous pouvez aller sur le www.centraire.qc.ca ou encore le www.quebecpop.com pour voir mes commentaires de disques, les lire. Et je vous invite à chaque fois, à chaque commentaire de disque, à aller visiter les sites des artistes que je vous présente. Faites-le, allez voir, allez découvrir ces talents-là de la bonne musique franco-canadienne. Ça existe, il y en a partout, partout, partout. Et c'est mon plaisir à chaque semaine comme ça de vous parler d'un album en soi. Donc, si vous voulez bien, on va y aller à la pause, après quoi ça sera la dernière partie de l'émission avec le deuxième meilleur album et le premier également. Restez là.